Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Certaines routes et avenues de la ville de Bujumbura restent impraticables. Dans cette édition, le focus se sera sur cette avenue passant devant le siège de la Croix-Rouge du Burundi. À quelques semaines de la rentrée scolaire, acheteurs et vendeurs se plaignent de la montée des prix du matériel scolaire. Et le Burundi a des chances de remporter le beach volleyball mondial organisé pour la première fois au Burundi. Espère lui Rwakiranya, connu dans ce monde du volleyball. Vous l'entendrez dans cette édition mise en nom de par Anselme Irambona. Parlons commerce pour débuter cette édition. Les vendeurs du kit scolaire, notamment les cahiers, les uniformes en mairie de Bujumbura, se lamentent suite à une faible affluence de la clientèle. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce vendredi près de l'ancien marché central de Bujumbura disent que cela est dû au prix de ces matériels scolaires qui ont augmenté. De leur côté, les clients parlent des prix exorbitants pour ce matériel scolaire. Le point avec Doreb Ingabire. Certains vendeurs disent que toute la matinée peut passer en ayant reçu un client ou deux seulement. Ils expliquent que les clients ne viennent pas en abondance à cause de la cherté des matériels scolaires. Ces commerçants craignent de travailler à perte parce que la situation semble ne pas s'améliorer, même si la rentrée scolaire approche. Le prix des cahiers a augmenté comparé à l'année passée. Pour les cahiers Lukoko, une douzaine de 100 feuilles est à 25 000 francs. Un cahier de 100 feuilles coûte 2200 francs alors que l'année passée coûtait 1900 francs. Nous ne recevons pas de clients. L'année passée, une abondance de clients s'est remarquée surtout vers la fin du mois d'août. De leur côté, les clients disent aussi que les prix ont augmenté comparé à l'année passée. Ils expliquent qu'à côté de cela, il est déjà difficile de satisfaire tous les besoins primaires ces jours-ci. Cela est ainsi au moment où la rentrée scolaire approche. Doreb Ingabire, le Burundi a des chances de remporter la compétition de beach volleyball qui est en train de se dérouler au Burundi, au petit Bassam sur les plages du lac Tanganyika. Depuis ce jeudi, un message d'espoir d'un ancien volleyeur burundais, président de la commission marketing au niveau africain, membre de la commission d'audit du volleyball au niveau mondial. Lui, Rwakiranya, affirme qu'il y a des Burundais qui ont une grande expérience. Suivez-le, il répond aux questions de Jean Bosco Douimana. C'est la première fois effectivement qu'on organise ce qu'on appelle Pro Tour Future. Mais je vous dirais aussi que c'est peut-être, nous sommes parmi les trois pays en Afrique qui organisent ces activités. Le message c'est que le Burundi est fort en volleyball, l'organisation est forte, la fédération est forte, le pays est fort, les autorités sont fortes au sport. Est-ce que le Burundi a des chances de remporter? Oui, rien n'est impossible parce qu'on a des enfants qui ont une grande expérience, qui ont joué la Coupe du Monde comme Eva, qui ont remporté des Coupes d'Afrique les années 2012-2013. Et maintenant, je vais voir, ils sont en train de bien jouer. L'important, c'est de participer, comme disait Pierre de Coubertin. Ils sont en train de participer, ils sont en train d'apprendre. Tout est possible. Et quel est le grand enjeu pour l'organisation d'une telle compétition mondiale dans notre pays? Le seul système, c'est-à-dire que les équipes, ils paient les tickets, ils vont chercher des points et de l'argent. jusqu'à atteindre les grandes compétitions mondiales comme la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques. C'est à partir de ces points-là qu'il faut avoir, qu'il peut avoir des hauts niveaux. Et je t'apprends maintenant que les meilleurs au monde sont des Africains, en Gambien, en Sénégalais. Et quel message au Burundais ? Tout est possible. Soyez unis, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Moi, j'ai apporté le beach volley, d'autres, il faut qu'ils apportent ce qu'ils peuvent apporter. Et les Burundais, sachez que seuls les Burundais vont construire ce pays et non pas d'autres personnes. C'est nous-mêmes qui devons construire ce pays. Parlons infrastructures à présent. Certaines routes et avenues à Mérido Bujumbura présentent des nids de poules. C'est le cas de l'avenue de la Croix-Rouge passant à côté de la clinique Prince Louis Rwagasore. Les usagers de cette route qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce vendredi font savoir que leur véhicule tombe souvent en panne. Et ceux qui ont des bureaux à cet endroit et les usagers tous demandent sa réhabilitation. Il y a également d'autres avenues qui sont en train d'être réhabilités. C'est notamment cette avenue passant près de la Banque centrale. Le point avec Toussaint Hariman. Cette avenue, six en face du bureau national de la Croix-Rouge, est trop menacée par des nids de poules. Les conducteurs et ceux qui exercent leurs activités commerciales à cet endroit disent que le passage n'est pas favorable. C'est vraiment difficile de passer à cet endroit, surtout pendant la saison pluvieuse. Les voitures sont endommagées par ces nids de poules. Lorsque les véhicules viennent pour charger les marchandises dans des dépôts, des accidents peuvent se reproduire. Même les piétons sont touchés. Ces usagers de cette avenue déplorent que leurs véhicules sont endommagés et demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème. Nous demandons au gouvernement que cette avenue soit réhabilitée. D'ailleurs, elle est située au centre-ville, ça serait mieux si les autorités fassent le tout possible pour que celui qui possède une voiture y passe sans problème. Pendant d'autres voies, telles que l'avenue du gouvernement en face de la BRB, sont en train d'être réhabilitées. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h07 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette page sécurité. Trois personnes d'une même famille sur la colline Chumva en commune Kirundo ont été tuées à coups de hache la nuit de ce jeudi par l'opéra de père de famille, selon des informations en provenance de cette colline confirmée par Viateur Abunima, un administrateur communal. D'après cette autorité, l'auteur du crime, en la personne de Marc Rushatsu Mugabo, est mentalement troublé. Cela fait une semaine qu'il a été arrêté par la police. Les organisations des travailleurs du Burundi regrettent que les salaires des travailleurs des établissements et administrations à statut spécial restent stationnaires malgré la levée du gel des avancements administratifs. Dans une conférence de presse animée ce jeudi pour rendre publiques les principales revendications syndicales déjà adressées au numéro 1 burundais, Savimana Célestin, président de la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, a indiqué que les syndicats continuent à plaider pour la mise en application de cette mesure. Suivez. Vous savez que le gouvernement a initié la politique salariale et en même temps, il a pris une mesure sur le gel des primes et indemnités, laquelle mesure a bloqué l'évolution de la carrière des travailleurs du secteur public et parapublic. Alors, comme conséquence, les travailleurs de ce secteur continuent à toucher le même salaire depuis le 31 décembre 2015. Grave encore, les travailleurs de même diplôme, même travail et recrutés respectivement de 2016 à 2023 perçoivent le même salaire malgré l'écart d'ancienneté dans la carrière. Alors, dernièrement, la loi budgétaire a essayer d'apporter une solution en son article 34 alinéa 2 qui dispose que les établissements publics à caractère administratif, industriel ou commercial, les administrations personnalisées doivent inscrire les administrations à caractère social, le gel des avancement administratif élevé à partir de l'exercice budgétaire 2023-2024. En dépit de la levée de cette mesure, les salaires des travailleurs des établissements d'administration à statut spécial restent stationnaires jusqu'à nos jours. C'est pour cette raison qu'ils revendiquent toujours le déblocage administratif et avancement de grade conformément aux statuts et règlements les régissant. Célestin Savimana, président de la COSIBU. Les jeunes de la diaspora burundaise sont appelés à instaurer le système de correspondance avec la jeunesse restée au pays, mais aussi en exportant la technologie de l'information et de la communication. Lors des cérémonies d'ouverture de la semaine de la diaspora, 7e édition ce jeudi à Gitega, le chef de l'État a remercié la diaspora burundaise qui pense et visite le pays natal. Le point avec Gérard Niwigira. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a dans son discours remercié les Burundais de la diaspora qui manifestent leur attachement à leur pays en le visitant. Il rappelle qu'un certain Burundais de la diaspora ont fui le pays quand il était en insécurité et le maudissait, mais que dès qu'il s'est stabilisé, ils se sont redressés et l'ont aimé de nouveau. D'autres, par contre, ont quitté le pays pour des raisons d'études ou pour des raisons des affaires, a-t-il ajouté. Le président de la République se réjouit alors du fait que aujourd'hui, les Burundais de la diaspora pensent positivement à leur pays et précisent que ceux qui sont venus au pays maintenant sont à Gitega pour réfléchir et échanger sur comment développer notre patrie, le Burundi. Ils demandent aux jeunes Burundais de la diaspora de nouer des liens avec la jeunesse et rester au pays par un système de correspondance leur permettant d'échanger et de se conseiller mutuellement en matière de développement et d'initiation des activités aboutissant à l'installation des industries favorable au développement effectif. En matière des TIC, il exhorte les jeunes Burundais de la diaspora à les exporter au pays afin que les jeunes Burundais résidant au pays en profitent, tout en précisant qu'elles sont d'une grande importance dans le développement et surtout pour la vision du Burundi 2040 qui est bénéfique beaucoup plus aux jeunes. Toutefois, il regrette certains Burundais de la diaspora qui n'envoient pas au pays les devises et ont instauré des bureaux de change en Europe et en Amérique où il change le dollar en frambou. Celui qui est à l'étranger, qui veut envoyer des sous aux siens se trouvant au pays, cherche un ami de la diaspora à qui il donne des devises et ainsi celui qui les reçoit dit à son ami résident au pays de donner des frambou à celui à qui les devises devraient parvenir au pays, a expliqué le président Evariste Ndayishimiye. Il demande donc à ceux qui sont à l'étranger pour des raisons de travail de faire rentrer au pays les devises et ceux qui y sont pour des raisons d'études de retourner au pays à la fin de leurs études. Les activités de cette semaine de la diaspora prendront fin ce samedi et se déroulent sous le thème « La diaspora burundaise avec les leaders de notre pays. Unissons-nous pour le développement de notre patrie. » Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isangani. Gérard Niwigira, parlons droits de l'homme au sud du Burundi. Un homme est locataire du cachot du commissariat provincial de la police à Bururi. Depuis le soir de ce jeudi, il est accusé d'avoir violé une élève en vacances la nuit de mardi dans la localité de Souré, en commune Vianda. Cette fille est en train de subir des soins médicaux. La famille demande à la justice de faire son travail au niveau de la police. L'on fait savoir que le dossier du présumé auteur de ce viol est en cours et qu'une fois clôturé, il sera transmis au parquet de Bururi, nous rapporte Zenon Nzambimana. Cet homme est arrivé au cachot du commissariat provincial de la police à Bururi dans l'après-midi de ce jeudi en provenance du cachot du commissariat communal de Vianda. Il est poursuivi pour l'infraction de viol sur une jeune fille élève en vacances, selon l'administrateur communal de Vianda, Alexis Chimilimana. Les informations en provenance de la colline Nunda, commune Vianda, disent que cette infraction a été commise la nuit de mardi dernier dans la localité de Souré sur la colline Nunda quand cette fille rentrait à la maison sur la colline Gahago de la commune de Bururi. La victime dit qu'elle a été intimidée à l'aide d'un couteau par le présumé auteur. Cette fille est allée se faire soigner le lendemain au centre de santé de Gahago, selon les sources sur place. La famille de la victime, de même que les défenseurs des droits de l'homme à Bururi, demande à la justice de faire son travail, mais salit déjà que le présumé auteur est des gendarmes de la police. Au niveau de la police, on fait savoir que le dossier de cet homme continue et une fois clôturé, sera transmis au niveau du parquet de Bururi. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Tout près de Bururi, en province Rumonge, une femme habitant la colline Mutambara, en commune province Rumonge, retenue au cachot de la police. Depuis la nuit de ce jeudi, elle est poursuivie pour infanticide, alors que c'est la deuxième femme arrêtée pour la même infraction en une semaine en commune province Rumonge. Les défenseurs des droits des enfants dans cette province demandent à la justice de s'y pencher afin de stopper ce phénomène qui semble prendre de l'ampleur. Les détails avec Jean-Pierre Bissago. Cette femme a été conduite au cachot de la police de Rumonge à 22h passées de ce jeudi, selon des sources policières. Mais il s'agit d'une arrestation consécutive à la découverte vers 21h d'un corps d'un nouveau-né en décomposition dans une fosse qui servait de latrine dans sa parcelle. Un corps enterré de nouveau dans la même parcelle, selon des sources administratives à Mutambara. Ces sources locales indique que cette femme reconnaît avoir mis au monde un enfant vers 14h de ce 14 août courant, qu'elle a ensuite jeté dans cette fosse 2 heures après et a continué à y jeter des déchets ménagers jusqu'à ce qu'une odeur nauséabonde s'y dégageant alerte les passants le soir de ce jeudi. Cependant, elle évoque plusieurs raisons selon ses sources. Tantôt, elle dit que c'était dans le souci de cacher à son nouveau mari, venu selon ses dires l'aider à entretenir les 3 enfants lui laissés par son mari décédé, qu'elle avait été engrossée par un autre homme. Tantôt, elle explique qu'elle a cru avoir mis au monde un mort-né. Au niveau de la police de Rumonge, l'on confirme cette rétention. Et un dossier relatif a été déjà envoyé au parquet de Rumonge pour la traduire en justice. Au niveau de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance à Rumonge, l'on considère cette situation inquiétante puisque c'est le 2e cas du genre en une semaine en commune Rumonge et l'on interpelle l'administration et la justice de tout faire pour couper court à ce phénomène. La femme récemment arrêtée, elle aussi pour infanticide, a écopé de 20 ans de prison ferme dans un procès de flagrance de ce mercredi soir, ayant plaidé coupable selon des sources auprès du parquet de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Différentes activités réalisées par les artistes contiennent des messages qui, des fois, échappent au public. L'humoriste Alfred Mugenzi, connu sous le sobriquet de Kigingi, fait savoir qu'il s'inspire du vécu quotidien de la population et qu'à travers leurs numéros présentés, les gens peuvent y tirer des leçons. Ce dernier indique qu'il est prévu un événement ce dimanche avec différents artistes dans le but de détendre leur public cible par leurs œuvres. Suivez. Kigingi Sama Comedy est un événement qui a vu le jour en l'an 2016. En fait, c'était à l'époque où on avait commencé à faire des petits stand-up dans les petits bars ou des petits espaces. Et on s'est vu qu'on devait chercher un endroit plus spacieux. Alors on a eu l'idée d'organiser Kigingi Sama Comedy dans un endroit plus vaste. Ça a été un succès et on a dû continuer chaque année. Alors Kigingi Sama Comedy, pour cette année, c'est l'événement à sa 6e édition. Et voilà, nous allons faire cet événement. Ce sera en date du 20 août 2023 au mess des officiers garnison Bujumbura à partir de 15h. Cette année, on a essayé de faire des numéros qui sont un peu spéciaux par rapport à d'autres années parce qu'on s'est vu qu'il y a d'autres jeunes qui font d'autres arts comme la danse, comme la poésie, mais qui font rire les gens. Mais aussi ceux qui chantent, notre public cible, je dirais que c'est tout âge parce que nous prévoyons avoir un public mixte de jeunes et de vieux. Dans notre quotidien, parfois on nous prend comme des gens qui font des bêtises, mais comme un chanteur par exemple essaie de se concentrer pour composer sa chanson, nous aussi, en préparant nos sketchs, on essaie de mettre un message. Il y a toujours un message, que ce soit pour changer les mentalités, que ce soit pour montrer ce qui ne va pas. À chaque fois, un humoriste est comme un analyste qui montre des choses que parfois les gens voient que c'est normal alors que ce n'est pas normal. Mais sans toutefois frustrer les gens, sans toutefois pointer du doigt les gens, que ce soit un peu convivial, amusant.